À une centaine de kilomètres de Miami, Palm Beach, le quartier des milliardaires. Alors, on va voir, c'est un chapeau comme ça, un peu... Voilà, comme ça. Un truc comme ça. Dans cette somptueuse villa, vit Jasmine Horowitz, une veuve, voilà, multimillionnaire. Pour un chapeau fou, ça passe. Aujourd'hui, pour Jasmine, un déjeuner très particulier. C'est pas un chapeau qu'on peut mettre juste pour aller se promener. Mais pour aujourd'hui, c'est parfait. Maintenant, il faudrait que je mette des bijoux parce que je me sens nue. Avec les chapeaux comme ça, sans bijoux. Alors, maintenant, on va mettre des bijoux que je trouve qui sont assortis. Voilà. On va mettre des boucles d'oreilles bleues qui sont assez grandes, comme ça on les voit bien. La touche de bleu, des aigues-marines à 20 000 euros la paire. Il faut toujours réunir un grain de folie et un peu de sobriété. C'est pas évident. Ces bijoux, des cadeaux de son défunt mari, un riche joaillier, disparu il y a 2 ans. Depuis, elle sort beaucoup. Mais il y a aussi des déjeuners, tous les jours. On n'a jamais assez de tailleurs, pas jamais assez de rien. Heureusement que la mode des chapeaux, maintenant, c'est un peu estompé. Mais il y a, à Palm Beach, il y a 10 ans, ou il y a 8 ans encore de ça, il fallait avoir un chapeau différent pour chaque jour de la semaine. Alors ça, c'était on n'arrivait pas. Voilà. Le curieux déjeuner auquel se rend Jasmine ce matin lui a coûté plus de 300 $. Et pourtant, avant de partir, surprise, elle se met à table. William, give me the rice, please. Okay, but fast. À 1 heure de son déjeuner à 300 $, menu régime, riz et jus de carotte. Ça, ce que je mange, c'est un repas des pauvres. C'est du riz brun. Cuit en bouillie. Voilà, c'est pas très excitant. Je sais pas ce que je vais trouver à ce déjeuner. Et comme d'habitude, je parle tellement, je suis tellement occupée, j'ai même pas le temps de manger. Comme ça ici, je mange un peu, je suis tranquille. Je prends pas de risques, je dois pas me soucier. Est-ce que j'ai oublié de manger? Ça suffit, j'en veux plus. Et on est prêt à partir, quoi, non? Et pour se rendre à son déjeuner, dans son garage, la dernière petite folie de Jasmine. Ah, j'adore, parce qu'elle est féminine, elle n'est pas grande, elle est petite, elle est très confortable. J'adore cette voiture, c'est mon grand amour. Et c'est parti, un incroyable déjeuner, que des femmes, toutes milliardaires, tout en chapeautées. Los Angeles, dans les beaux quartiers de Beverly Hills. Ce matin, dans les bureaux de l'homme d'affaires français Christian Audigier, une réunion organisée en urgence. So what are the news, Nicole? Pour le moment, on a la confirmation de Joe Pesci et Dave Stewart. Une discussion confidentielle. Pas une information ne doit filtrer. Il est 20 o'clock de cake. On est obligé d'attendre Sharon Stone, en fait. Ok, Sharon Stone arrive à 11h. Ok. À 11h, on fait le gâteau. Je veux des coffres avec de l'or, je veux des bateaux. Il est question de stars, de gâteaux d'anniversaire et de décors féeriques. Mais ça, vous ne saviez pas, mais voilà. On a trouvé des vraies sirènes à Hollywood. Donc, elle va être dans la piscine. Ouais. En fait, Christian Audigier organise un anniversaire surprise pour un ami intime. Une authentique star. C'est l'anniversaire à Johnny Hallyday, c'est vachement important pour moi. Il faut qu'il soit le plus confortable possible. Je veux voir un Johnny Hallyday qui pleure ce soir-là, ok? De joie, bien sûr. Donc je veux que tout le monde soit prêt à chanter un Happy Birthday, qu'il ait la vraie surprise, ok? C'est toujours difficile de faire des surprises à Johnny, parce que Johnny Hallyday, il a tout. Il a tout, il a déjà tout fait, il a déjà tout vu, il a déjà tout eu. Donc, c'est compliqué de lui faire un truc un peu spécial. Il a toujours eu le même gâteau avec la guitare et tout ça. Donc, il n'aime plus ça du tout, je sais. Donc, nous, on a essayé de faire des choses différentes. Un anniversaire très rock'n'roll, prévu dans moins d'une semaine dans la villa de Christian Audigier. Et déjà, les préparatifs ont commencé. Si le 65e anniversaire de la star du rock est organisé ici, chez Christian, c'est qu'une longue amitié unit les deux hommes. Comme son ami Johnny, Christian l'Avignonnet est un autodidacte. En quelques années, il a fait fortune dans la mode. Il possède aujourd'hui une dizaine de marques de vêtements, le rêve américain pour cet enfant issu d'une famille modeste, élevé seul par sa mère à Avignon. Aujourd'hui, le petit gars du sud de la France habille le tout Hollywood, de Madonna à Sharon Stone. C'est un standing de millionnaire qu'il offre à présent à sa famille et à ses quatre enfants. Ira, sa femme, une ex-top modèle brésilienne. Les trois plus jeunes enfants, Rocco Mick Jagger, 3 ans et demi, Vito, le petit dernier, et Dylan, 5 ans. Mais à J-7 de l'anniversaire de Johnny, pas de temps à perdre. Donc ta scène, elle est là. La photo de Johnny que t'as demandé enfant avec le Happy Birthday. Les deux screams de chaque côté. Angélique, l'assistante de Christian. Là, je remets deux lustres pour que ça fasse joli, pour pas que ça fasse sombre. Toute cette partie... C'est elle qui a la responsabilité de l'organisation. Là, j'ai 25 tables rondes, un petit peu partout dispatchées. Tout ce côté-là... Tout ce côté-là, je vais vraiment l'habiller en caverne de pirate. Je vais asseoir des squelettes, mettre le coffre-fort avec les épées plantées dedans, le chandelier. Thème du décor de la soirée, pirate des Caraïbes. Johnny Hallyday n'aime pas. C'est un gros problème. Si Johnny Hallyday, il n'aime pas. Si Johnny Hallyday, il aime pas, ça va certainement me retomber dessus. Mais il n'y a pas de raison. Moi, je suis quelqu'un de positif, quoi. Mais ce n'est pas la seule surprise de Christian pour son ami Johnny. Génial, je savais pas du tout ça. Pour apporter le gâteau d'anniversaire, une superstar internationale. Donc, en fait, la chose la plus importante, Angélique, c'est que la surprise de Johnny, enfin, une des surprises de Johnny, c'est que Sharon Stone va venir et amener le gâteau. Ah, d'accord, ok. Donc il faut que quelqu'un soit avec moi en direct pour me dire elle arrive là-bas. D'accord. Je la mets au chaud. Tu sais à quelle heure elle arrive? Je la briefe, elle arrive à 11h. Il est au courant, Johnny, ou il s'en doute pas du tout? Non, il doit pas être au courant. Si personne lui a dit, il doit pas être au courant. Donc on va voir, il va être certainement agréablement surpris, quoi. Sharon Stone en personne, un décor hollywoodien. Pour son ami Johnny, il espère organiser le plus bel anniversaire de sa vie. Retour à Palm Beach, près de Miami. Dans le quartier très chic des milliardaires. Ce matin, Jasmine Horowitz se rend à son étonnant déjeuner de ladies, en plein Palm Beach. Palm Beach, 10 000 habitants, rien que des milliardaires triés sur le volet. Jasmine s'y est installée avec son mari il y a plus de 15 ans. C'est fabuleux parce qu'il y a, une sécurité incroyable, il n'y a pas de crime, c'est tout manucuré, c'est très bien entretenu, au fond c'est un petit pays de merveilles, c'est comme un coin de paradis où au fond rien n'est important, malheureusement rien n'est important, le monde extérieur n'existe pas, c'est irréel. How are you? How are you? Now we can put the hat on because otherwise. Son chapeau, l'outil indispensable à ce drôle de déjeuner. Thank you. Dans ce club très sélect. Hello. Très joli chapeau, par ici s'il vous plaît. Thank you. Car aujourd'hui, concours du chapeau le plus fou. Un événement unique au monde. Ici, un seul objectif: rivaliser d'ingéniosité et de fantaisie. C'est pas facile de s'embrasser. C'est pas possible, il faut faire comme ça. Tu sais, comme sous un parapluie. Mouais. Hi, darling. Oh, lovely to see you. Ravi de vous voir. Fanny Rose, je suis la femme de Tony Massina. Rien que des femmes, toutes très fortunées, épouses ou veuves de richissimes hommes d'affaires. Et déjeuner à Palm Beach, c'est l'habitude que c'est seulement de déjeuner des femmes. Parce que les hommes ont autre chose à faire. Les hommes sont supposés, voilà, pour travailler ou jouer au golf ou comme ça et s'ennuyer. Hi, Amy, how are you? Hi, darling. Hi. How are you? I see you. I like your. You look so cute. You look. Come in. Entrez. Oh, très joli votre chapeau. Par ici, par ici. Ravi de vous recevoir. Et toutes ces dames se sont préparées durant des mois pour rivaliser d'originalité, surprendre, mais pas toujours avec mesure. I'm Jasmine. Jasmine. Jasmine. It's amazing. Can I touch it? Look. Uh-oh, is it heavy? Sorry, because I'm so big. Traffic. C'est pas tellement pratique, parce que chaque fois qu'elle tourne, alors elle me rentre dedans dans mon chapeau. Pour avoir le privilège de participer à ce déjeuner chapeau, 300 euros. Menu gastronomique, de quoi se régaler, sauf pour Jasmine. Dans mon assiette, il y a des trucs dont je me méfie. Je suis contente d'avoir pris mon petit déjeuner, entre guillemets, avant de partir, parce que c'est des choses trop sophistiquées. Alors, ça ne m'inspire pas tellement. Je fais semblant, j'ai remis la nourriture dans l'assiette, comme d'habitude. C'est Madame le juge. Déjà au travail. C'est elle qui va désigner le plus beau des chapeaux. Entre le flamant rose, le jardin d'hiver et les autres, la compétition s'annonce serrée. Mon chapeau, c'est le système solaire. Et moi, je suis le centre de l'univers. Il y a des enfants, des gens qui travaillent, il y a aussi des alligators. C'est amusant. Et c'est tellement Palm Beach. C'est un groupe qui n'a pas des préoccupations journalières, probablement comment joindre les deux bouts, comment arriver à la fin du mois. Alors ils vivent un peu en marche. Madame Horowitz, vous avez gagné le deuxième prix. Surprise. To me? Oui, vous avez gagné. I won? I don't believe it. I won? Ce prix pour cette jolie dame avec le plus beau chapeau. What did I win? Iris, I mean, I'm touched. My God. Vous faites beaucoup pour nous et vous êtes tellement belle. Oh, I don't believe it. Très applaudi, le premier prix, couleur rose bonbon. Une photo pour la presse locale. Mais qui est donc Jasmine Horowitz? Dans les années 80, elle épouse celui qui va la rendre riche. Fred Horowitz, joaillier américain et millionnaire en dollars. Avec lui, elle fait son entrée dans le grand monde entre Monte-Carlo et Miami. Le conte de fées commence pour cette jeune femme d'origine polonaise qui n'est alors que chroniqueuse mondaine pour une télé monégasque. 21 ans de mariage, mais pas d'enfant. Après le décès de son mari il y a 2 ans, elle devient riche, mais seule. All by myself, you know, in the house, and eat by myself. It's a lot of trouble to be alone. Sometimes I think some women, I mean, they do quite well. Tu sais, il y a des femmes qui aiment la solitude. On essaie quand même de se construire une vie qui soit supportable. Alors, c'est très important de ne pas être seule pour une femme. Et c'est pas tellement évident, parce que les hommes qui sont vraiment fabuleux, ils sont tout pris, ils sont mariés la plupart des temps. Et ceux qui sont libres, ils sont pas vraiment fabuleux. Alors, il faut voir. Aujourd'hui, pour Jasmine, un objectif, trouver l'amour. Et justement, dans quelques heures, elle a rendez-vous avec un homme qui pourrait bien changer sa vie. Ce matin, à Los Angeles, Christian Audigier a rendez-vous avec Johnny Hallyday à quelques jours de l'anniversaire surprise de la rockstar. Au programme, course en haute road. Ça va me permettre en fait de déstresser avant l'anniversaire. Et Johnny a la même voiture. Une réplique des années 30 remise au goût du jour. J'adore, c'est comme une moto en fait. Elle fait plein de bruit et elle arrache. Privilège rare. Pénétrer dans cette propriété où s'est installée la rockstar avec Jade et Laetitia. Oh, on vient d'arriver chez Johnny. Il est allé comment sa maison, vous connaissez? Ah, elle est top, bien sûr que je la connais la maison. C'est une maison de rockstar qu'il a. Une villa que Johnny a entièrement fait refaire à son goût. Plusieurs mois de travaux, son nouveau refuge californien. Et si la terre est rouge, de tout le sang versé. Sous mes pieds, le sol bouge. A Monument Valley. J'arrive en retard, Lego. Comme d'habitude. Alors, comment ça va? Tu vas bien? Philippe, le décorateur. Alors Philippe, comment tu vas? Bien. Et Johnny est très fier de son intérieur. On a fini pratiquement. Ah bah oui, bah, c'est bien ce qu'il m'a fait à la maison. J'adore, j'adore. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ouais. J'avais pas vu, moi, la table. Et la cheminée en croco, là. Alors ça, ouais, je l'ai jamais vu. Bravo. Hein. Tu l'as pas chez toi, ça? Ah et non, j'ai pas. Non, non, non, non. Non, non, bah, je vais pas faire la même chose. Ah, t'as raison. Chez toi, chez Christian, en fait. Mais Johnny, il est beaucoup plus rock'n'roll que je le suis aussi. Hein. C'est pour ça, le canapé, il est de fou. Tu rigoles ou quoi? Quoi? C'est toi le rock'n'roll. Plus gentil que toi, il n'y a pas. Hein. J'entends mille histoires dans les champs oubliés. Du bleu, du rouge, puis du noir. À Monument Valley. Quand j'ai acheté la maison, c'était une maison qui était un peu triste. Ça ne me correspondait pas tout à fait au point de vue décoration. Et puis j'en ai longuement discuté avec Philippe. Et puis on a complètement changé toute la décoration. C'est-à-dire on a mis sur les colonnes et sur les murs, on a mis du croco. Petit à petit, on a aménagé tout ça. Et puis ça commence à ressembler un peu plus à ma personnalité. Et puis à celle de Laetitia aussi. Chic, en étant quand même un peu le côté un peu rock'n'roll quand même. Pour moi, Los Angeles, c'est un petit peu détente, vacances et en même temps travail. Parce que comme je répète avec mes musiciens ici quand je fais des spectacles, et en même temps j'enregistre mes albums ici, donc je mélange les deux. Et puis moi, ici, ça me permet d'avoir mes motos, mes voitures. Pour moi, c'est l'idéal, en tout cas. C'est bon. Vous avez vu ma cuisine? À la cuisine, je ne l'ai pas vue non plus. C'est jade, là. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Magnifico. Alors ça, c'est de folie, John. Moi, j'adore ça, là. J'adore. Ça, c'est vraiment un truc pour toi, ça. Le Fisher Price. Et Steve Tyler, jeune. Ah, ouais. Elvis. Ah, mais j'avais pas vu celle-là, Johnny. Ah, ben oui. Ça, c'est une photo mythique pour moi. Hein. Ah oui. Tu sais, elle est devenue mythique pour moi. Ah, c'est gentil, tu l'as mis dans la cuisine. Ben oui, je bouffe en face de ta gueule tous les jours. Ah, et c'est parti pour une journée entre amis et en Haute-Rhône. Les petits bolides au look années 30. On va aller prendre notre drogue. Le sien est prêt ou pas alors? Ben le mien est en bas, ouais. T'as le tien? Ah bah bien sûr. Bon, bah alors on va y aller. Et le mien, tu l'as vu ou pas? Ouais, le tien, ouais. T'as encore mis ton nom dessus? Bah ouais. Ouais, comme ça. En cas que je me perde, tu sais, ça me ramène. À Palm Beach, la riche veuve Jasmine Horowitz rentre précipitamment chez elle. Ce soir, elle organise un cocktail important. Seule depuis plus de 2 ans, elle cherche l'amour. Et les mondanités sont pour elle l'occasion de faire des rencontres. Mais surprise. En arrivant chez elle, Eric, l'un de ses fervents prétendants. Ils se sont rencontrés il y a 2 mois. Eric n'est pas fortuné, mais très amoureux de la riche héritière. Et s'il fait cette visite éclair, c'est pour annoncer à Jasmine qu'il est malade. Impossible pour lui de venir au cocktail de ce soir. Une petite grippe qui tombe à point pour Jasmine. Tu comprends, moi, je suis toute nouvelle dans ce jeu. Je t'ai mariée toute ma vie, d'accord? Alors, ça, et comment dire ça? C'est mon amant, voilà, on dit ça, c'est mon amant. Mais, mettons ça comme ça, attends. Mais j'ai quelqu'un d'autre qui m'intéresse beaucoup plus que lui. Parce qu'il est beaucoup, on a beaucoup plus de compatibilité. C'est tout nouveau. Je l'ai connu il y a... Jasmine est troublée, car l'homme qui l'intéresse vraiment a promis de venir ce soir. Plusieurs mois qu'elle attendait cette nouvelle rencontre. Ici, dans moins de 2 heures, une 50aine d'invités triés sur le volet. Alors, le personnel de maison s'affaire pour recevoir le tout Palm Beach. Dans la salle de bain, Jasmine est un peu tendue. Ce soir, une nouvelle histoire d'amour va peut-être se nouer avec l'homme de ses rêves. Comme ça, on sera un peu zébré ce soir. Alors, est-ce que ce soir, il y a peut-être le grand amour? Mais toujours, il faut toujours avoir l'esprit ouvert, il faut avoir la tête ouverte, il faut avoir l'attitude accueillante. Et si ce n'est pas ce soir, ce sera un autre jour, mais on va voir ce qui se passe ce soir. Hein, c'est... On va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, ici. William, everything under control? Oui, Madame Horowitz. Okay. Tout se passe bien, j'espère. Hein? Ça. Can one of the guys light the candles? Oh, William is going to light. Bougies parfumées, okay, lumière tamisée et musique d'ambiance. Le décor idéal pour une agréable soirée. Et Jasmine l'espère, pleine de surprises. My favorite people. Bonjour, comment allez-vous, Jasmine? Banquiers, riches industriels, avocats de renom, tout le gratin de Palm Beach s'est donné rendez-vous chez Jasmine. Personne n'a voulu manquer cette soirée très chic. C'est magnifique. Ambiance très Palm Beach et une fantaisie pour faire parler de sa soirée dans les dîners en ville. Les danseuses classiques du ballet de New York. C'est magnifique. Pour l'instant, pas de trace de celui qui fait battre son cœur. Alors en attendant, elle papillonne. Mais coup de théâtre. Eric. Celui qui ne devait pas être là, son plus fervent prétendant, il est remis de sa grippe. Moment de panique pour Jasmine. Direction le petit salon. Écoute téléphone en urgence. It's cold, darling. How are you? En ligne, l'homme de ses rêves. Et une confirmation, il est bien en train d'arriver. Can you imagine I did get your message? Mais problème. Okay, because I have a lot of people to... Eric surveille sa belle. Alors Jasmine change de ton. And what is the name you said? Okay, bye. Alors, tu as bien guéri, tu as une bonne mine, hein? Tu es tout renouveau, non? Tu es très chic, hein? C'est bien. Et alors, la grippe, c'est parti, non? C'est... Plus ou moins. Oui, pas de fièvre. Petite grippe. Alors, évidemment, il est tout de suite arrivé pour voir si c'est à qui j'ai appelé. Il est jaloux. Bon, ça c'est humain, ça c'est d'accord, parce que si on tient une personne, mais tout de suite arriver pour voir. Hein? Elle est gentille, elle est douce, elle a beaucoup de classe, elle peut se débrouiller dans n'importe quelle situation, avec n'importe qui. Elle est belle. Qu'est-ce qu'il y a de ne pas être pas aimé, hein? Eric est amoureux. Mais c'est lui que Jasmine attendait et pour qui son cœur bat. Il va bientôt pleuvoir. John, 55 ans, un ténor du barreau de New York. Où est-ce que je peux poser ça? Oui, il me plaît. Comment tu les trouves? Non, pas mal. Surtout qu'il y a beaucoup, voilà, il a... Oui, c'est bon. John, enfin là. Jasmine, la riche héritière, semble conquise. Peut-être les prémices d'une idylle. Mais nouveau problème, Eric n'est jamais très loin. Il sympathise même avec son principal rival. Normalement, il n'aurait pas dû se voir, c'était pas prévu comme ça. Moi, je croyais qu'elle en attrapait une grippe et que c'était ça, qu'avec la grippe, il n'allait pas se montrer. Et ça n'a pas marché. Je dirais qu'elle est vraiment charmante. Vraiment charmante. Charmante. Elle a l'air de tout faire parfaitement. Donc, c'est une femme parfaite. Et avec beaucoup de classe. Mais elle est superbe. Deux chevaliers servants, De quoi émoustiller la riche héritière. Une véritable scène de vaudeville. On va mettre un peu du thé de gingembre dans le verre à verre. Comme ça, on triche, non? Oui, oui, ça va très bien, toi. Oui, tu es bien remis de ta grippe, n'est-ce pas? La grippe, c'est, il n'y a pas de grippe. Voilà, moi, je vais me saouler. Thank you very much. Thank you. Et tu peux manger quelque chose ou tu fais attention? Non, non, fais attention, c'est mieux. Hein? Il est adorable, mais il se mêle trop de ma vie. On ne peut pas être en contrôle de la vie d'une personne. C'est ma vie et c'est pas comme... Parce que même mon mari, au bout de 20 ans, il n'était pas aussi possessif que ce garçon ici. Mais déception, John, lui, tire sa révérence. Fin de cocktail et pas le choix. Jasmine va finir tranquillement la soirée avec Eric. Demain soir, nouvel espoir de rencontre, la riche héritière est invitée au grand bal de Palm Beach. À Los Angeles, chez Johnny Hallyday. Pas question pour Christian Audigier de parler de l'anniversaire surprise qu'il prépare pour Johnny. Il a un moteur le double du mien. Aujourd'hui, c'est détente en haute rôde. Ben, c'est le folie, c'est-à-dire c'est un engin de fou, ça. Ça doit arracher, quoi. Ça, c'est le Johnny qu'on aime, le Johnny avec ses épaules de cuir qui va prendre sa voiture et enfoncer les kilomètres. Ben alors, allons-y. Hein. OK. Donc, on fait la course. Hein. T'as combien de chevaux, toi? Ah, moi, j'ai rien. J'ai le quart de ce que tu as. Je dois avoir 260, peut-être 300 chevaux si je cherche bien. Well, East Coast girls are hit by... Accompagner Johnny dans les rues de Los Angeles, son assistant personnel. Et leur grand plaisir, faire la course. Johnny a gagné la course. Flamboyant, Johnny. C'est le flamboyant, c'est le prince des tumultes, en fait. Et il va toujours à fond, cheveux dans le vent. C'est un mec qui peut réunir 100 000 personnes dans un stade. Ils n'arrivent pas à faire des stades assez grands, en fait, pour lui. Laquelle tu prends, la 2, Johnny? Il est où, toi, le truc? 91. Vas-y. Fais gaffe, au cuir. Vas-y. Image insolite. Johnny Hallyday dans une station-service parlant mécanique. Mais ce que j'aurais aimé, c'est un truc comme toi devant là. Ben ça, tu le fais. Parce qu'il fait bas le moteur. C'est un booster, ça, tu le fais rajouter. Ah ouais? Tu peux rajouter sur ton moteur. Je vais le faire péter. C'est un booster, ce qui te permet d'avoir. Le booster, ça te permet d'avoir quand tu appuies à fond. Bah, compression, ouais. Ouais, j'adore. C'est le principe des avions, à réaction. Toi, tu as ça. Ouais. Tu peux rajouter ça? Juste ça. En fait, c'est Johnny là qui m'a addict à cette voiture. Parce que le jour où il est allé la faire construire, il est allé voir... Comment, toi, tu n'as pas de retraite, c'est ce que tu vas venir. Et donc, je m'en suis fait péter un, tu vois. On peut se faire des balades, c'est cool. Et le rêve de gosse qu'on a toujours eu, qu'on ne pouvait pas avoir quand on était plus jeune, et puis qu'on se fait sur le tard. Vaut mieux, comme on dit, vieux motard que j'avais. Et le grand plaisir de Johnny à chaque fois qu'il vient à Los Angeles. Pouvoir se balader presque comme tout le monde. Hi guys, Johnny Hallyday. Visite chez le plus célèbre des barbiers de Los Angeles. Old school et là, barbeur. Et like this one, the good luck one, tu vois. Et pour Christian, difficile à croire. Lui, le petit gars d'Avignon. Aujourd'hui avec Johnny Hallyday. C'est comme un rêve de gosse, ouais, que je réalise. Not too sure. commencé gamin, je collais les posters dans ma chambre. J'ai chanté les chansons de Johnny à tue-tête devant ma glace. Et aujourd'hui, c'est mon pote, quoi, c'est mon poteau. Et il me le rend bien, c'est surtout ça, quoi. C'est pas que j'aime pas le faire tout seul, c'est que je me fais des trous, moi. Je me fais très mal. Thanks. So Johnny, tu m'as encore à faire un après-midi génial. Dans quelques jours, ce sera à Christian d'offrir à Johnny l'un des plus beaux anniversaires de sa vie. Les autres, ils vont pas nous faire trop bon. Retour à Palm Beach. La maison de la riche héritière Jasmine Horowitz. Et ce matin, curieuse ambiance. Séance de yoga. Car en ce moment, Jasmine est nerveuse. Elle est toujours à la recherche du grand amour et elle veut être en forme pour le grand bal qui réunira ce soir le tout Palm Beach. Elle espère y rencontrer quelqu'un. Très important, parce qu'on va apparaître sans mieux. On va avoir du succès, c'est une femme saine. Et pour avoir du succès, il faut... Bon, l'aspect extérieur, ça compte beaucoup, mais il faut avoir des réflexes rapides, il faut faire une belle conversation. Parce qu'à un moment qu'on fait ça, il n'y a plus rien. Ce soir, c'est peut-être le grand soir pour Jasmine. Alors, elle sort le grand jeu. Émeraude, parure de diamant, tout y est. Il ne reste plus qu'à trouver le chevalier servant. C'est pas vrai, mais regarde-moi ça, mais... Oh. Et pour ça, il y a Eric, son prétendant. Attention, parce que c'est... Non, parce que ça tient, je sais pas combien ça tient, ma coiffure, alors évidemment, c'est... Très amoureux de Jasmine, il est prêt à tout... pour lui faire plaisir. Eric sera très bien là, parmi ces gens, ça ira très bien, puis il danse comme une merveille. Eric pour la chaperonner, mais c'est encore un autre homme qu'elle a ce soir en tête et qui sera sans doute au bal. Oh là là, on dirait Breakfast at Tiffany, comme c'est bien. Et c'est parti pour une grande soirée de gala à Palm Beach. Un cadre somptueux pour l'un des événements les plus mondains de l'année. Arrivé à Mar-a-Lago, l'ancienne demeure privée de Donald et d'Ivana Trump. Lambris, dorure, ici ce soir un bal de bienfaisance au profit de la lutte contre l'alcoolisme. Un luxe impressionnant pour accueillir les 300 invités les plus grosses fortunes de la ville. Mais ce soir, dans cette salle, pour Jasmine Horowitz, il y a un homme qu'elle rêve de rencontrer et pour qui elle a le béguin. Même si Eric est là, à peine arrivée, elle se renseigne sur sa présence auprès d'une amie. Oh, wait a moment. It's so funny. Yes, I see my, you know. Yes, I know. Oui, je sais qu'il est là. I have to go and say hello to him. Yeah, I know you have to. Oui, tu dois le faire. Tu as parlé avec la dame du ballet? Non, tu restes ici un moment. Je dois aller saluer quelqu'un, mais j'ai vaisselle. Okay. D'accord? Pas de problème. Tu restes ici. Nonchalance apparente, surtout avoir l'air naturel, pour croiser par hasard celui qui fait battre son cœur. Comment allez-vous? Ravi de vous revoir. Et ça marche. Christopher, un membre de la famille Kennedy. Oui, vraiment. J'étais moi-même drogué et alcoolique. Oui, c'est vrai, j'étais un superbe toxico jusqu'à mes 30 ans. Là, je suis sobre depuis 22 ans. Et Eric qui attend, comme toujours. Vous habitez à Paris ? À peine quelques minutes de conversation et Christopher prend congé. Il est venu accompagner. Heureusement, pour danser avec Jasmine, il y a le fidèle Eric. Et c'est en sa compagnie qu'une fois de plus, elle va poursuivre la soirée. Il n'y a rien de mieux. Regardez, hein. Comme danseur, hein. J'ai pas vu autre chose. Le cœur de la riche héritière semble encore à prendre. Dis-moi, la coiffure, qui aime ma coiffure? Oh, super. Pour la séduire, la danse ne suffit pas. Alors Eric devra sans doute trouver d'autres armes. Paris, dans l'un des quartiers les plus chics de la capitale. Jolie fille, deux limousines. Et pourtant, ce soir, Murat Atik et sa femme ont moins d'une centaine de mètres à parcourir. C'est un luxe. On est dans un pays de luxe, on va pas se gêner. Là, on va faire 30 mètres, mais d'arriver avec deux limousines. Il pleut. Ouais. Il pleut, les brochingues et tout, comment on fait? Il pleut, 30 mètres, c'est comme ça après. Quatre femmes. You are nervous, girls. Un homme. Le quotidien de Murat Atik. À 37 ans, Murat est l'un des rois des nuits parisiennes. Il possède la plus célèbre et la plus chic des boîtes de striptease de la capitale. Une escorte de charme pour une soirée importante. On y va ? Allez, let's go. Allez, 1, 2, 3, 4. Arrivée de star dans un cabaret parisien. Ce soir, on va élire ici l'homme de la nuit. Merci. Hein ? Murat a été sélectionné pour faire partie des finalistes. Une soirée de gala qui pourrait déjà couronner sa jeune carrière dans le microcosme parisien. Ce soir, on va couronner le professionnel le plus dynamique des nuits parisiennes, un patron de boîte de nuit ou un promoteur de spectacles de cabaret. Pour Murat, l'occasion de briller devant ses pairs. Et pour présenter la soirée, l'humoriste Yves Lecoq. On a créé les trophées de la nuit. Les nominés du trophée de la personnalité de l'année sont Dom Akia, André Dubaron, Murat. Jean-Louis Murat du Pink Paradise. Murat, Murat a gagné, c'est le lauréat 2008. Et ses premiers mots de remerciement sont en turc. Hoş geldiniz bu akşamlar. Bunun için çok çok teşekkür ederim. Parce que la France c'est aussi l'Europe, même sans la Turquie. Moi je suis d'origine turque, j'ai une culture française et je fais du spectacle en France. 25 ans. Thank you everybody, mon associé Patrick. Congratulations. Les artistes du Pink Paradise et ma femme Joanna. Thank you. Et votre enfant présent sur scène. Merci monsieur. Félicitations. Ce soir, ce jeune homme d'origine turque savoure son plaisir. Car il y a encore quelques années, il n'aurait même pas imaginé cela possible. Je suis super ému, je suis super ému. C'est génial, c'est une reconnaissance du métier. En plus, il n'y a que le métier qui vote. Ceux qui votent, c'est 1500, 1800 exploitants de nuit. Donc ça me fait plaisir. Voilà, ça, c'est vraiment plaisant. Car l'histoire de Murat commence ici, dans un petit village de Turquie. Une maman qui abandonne le foyer familial alors qu'il n'a que 2 ans. Et un père ouvrier qui se saigne aux 4 veines pour l'élever seul. À 5 ans, c'est l'exil vers la France avec son père. Après des études de droit, Murat a des rêves de grandeur. Il s'essaie au métier de comédien puis à celui de footballeur. Mais c'est le monde de la nuit qui lui apporte le succès. Il commence comme serveur dans les bars. Il est aujourd'hui copropriétaire de ce cabaret, la plus célèbre des boîtes de striptease parisiennes. On dirait une marche nuptiale, non ? très bien la marche nuptiale, très bien, très bien. Et ce soir, après avoir décroché le trophée de l'homme de la nuit, au travail, dans son cabaret du Beau Monde. Équipe du Stade Français, bienvenue. Comment ça va? Bien. Eh, vous gagnez beaucoup de matchs en ce moment, hein. Attention, hein. Célébrité et érotisme. un savant cocktail qui assure le succès du club. On doit être à 350, 380 en compteur. Bon voilà, c'est la grosse limite là. Au programme, des filles super sexy qui viennent du monde entier. Aujourd'hui, Murat s'affiche avec le Tout Paris. Une réussite impensable lorsqu'il s'est endetté pour reprendre le club. Je l'imaginais même pas il y a 3 ans. Hein. Je vous explique, il y a 3 ans, j'étais à la rue totale. Je squattais dans des apparts, il m'est arrivé pendant même une période de dormir dans ma voiture. Sinon, j'aurais dormi sur le trottoir. Mais ça a duré 1 an et demi, hein. C'est pas 2 jours. J'avais 2 années de retard sur mes loyers, au moins je sais pas combien sur mon compte. Non, mais c'est comme ça. Du jour au lendemain, on n'est plus à la mode. Du jour au lendemain, notre mode est passé. Donc, tout peut s'écrouler assez facilement. On bâtit des empires de sable. Hein. Et justement, son prochain challenge. Monter un show pour le Festival de Cannes prévu dans 1 mois. La terre entière sera là. Pour Murat, une occasion de plus de se faire connaître. Los Angeles, chez Christian Audigier, à la veille de l'anniversaire qu'il organise pour Johnny Hallyday. Et à 11h, elle vient et c'est elle qui amène le gâteau pour Johnny. Parmi les surprises, le décor vient d'arriver. Les accessoires qui ont servi au tournage de Pirates des Caraïbes, le film avec Johnny Depp. Vous êtes très fort. Normal, il est turc. C'est du plastique. Mais qu'importe. Suffisant pour créer l'atmosphère voulue par Christian. L'encre du bateau pirate, c'est mon préféré. Des squelettes, mais pas n'importe lesquels. Ça, c'est un ancien président. Un président décédé. Lequel? Nixon. Et pour vérifier que ce décor va convenir à Johnny, visite discrète de celle qui le connaît le mieux, sa femme Laetitia. Non, Laetitia, c'est toi la première qui voit ça de la soirée. Donc si tu as des choses que tu aimerais changer, tu vois. Salut Dylan. Dylan, l'un des enfants de Christian. T'as vu cette dégaine qu'il a? Il parle bien français, maman. Ouais, il adore. Alors voilà où la soirée va se passer. Et là, tu fermes la piscine? Non, elle n'est pas fermée du tout. Ici, il y a une sirène. Tu as les photos? Ah, t'as des sirènes? Non! Oh, attends, c'est beau! Attends, des sirènes! Mais c'est des vraies sirènes. Wow, des vraies sirènes, tu ne vas pas le croire. C'est génial. Tu vas avoir t'es trop fort. Non, le thème, c'est pirate. Donc, tu vas avoir tout ça avec des têtes de mort, avec des trucs un peu comme le Johnny Depp, là, tu vois, ouais. Ces têtes-là. Un peu des squelettes dorés. Qu'est-ce que vous pensez du thème pirate? Oh, c'est super. Non, c'est super, surtout s'il y a des enfants et tout, ça fait rêver. C'est un monde un peu de Disney, un peu magique. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on aille voir maintenant? T'as vu les où ça, là-bas? Jade, la fille de Laetitia et de Johnny, sur les épaules d'un proche de Christian. Il y a le squelette. Visite. Tarzan des mers, t'as vu Tarzan des mers? Et petite pointe, le capitaine Crochet, d'inquiétude. Ça, c'est le gâteau de Johnny. Ok, waouh. Donc, c'est un gâteau qui rend comme ça. Ça change des guitares. Hein. C'est des têtes de mort, il va adorer. C'est la première fois. Il veut fois changer, qu'il aura des c'est la première mort. Fois. Le squelette. Ça va, ma puce? T'as plus peur? Non. Bon, d'accord. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On va voir maman? Oui. T'as vu les grosses surprises pour ton papa? Ça va être sympa, hein? Ça va être très rock'n'roll, hein. Est-ce qu'il se doute un peu de quelque chose, votre mari? Pas vraiment, non. Pas vraiment, Christian. Il sait que c'est son anniversaire. Moi, personnellement, je n'ai rien dit. Ouais, bon, moi, j'ai un peu dit. Ah, voilà, j'en étais sûre. Non, parce que Johnny n'aime pas les surprises. C'est un problème. Ouais, c'est mieux de le briefer. C'est un problème, donc c'est mieux de lui dire qu'il va y avoir une soirée, que c'est Christian qui s'est occupé de tout, que pour une fois, c'est pas moi, que j'y suis pour rien. Et que c'est son ami qui s'est occupé de tout pour lui, voilà. Angélique. D'accord, il n'y avait pas allez, de raison de pleurer, chérie. Alors, est-ce que Jade a prévu un cadeau pour son papa? Oui, bah alors c'est la fête des pères dimanche. et elle a fait un cadeau pour son papa. Et à l'école, elle a réalisé un cadeau pour la fête des pères. Waouh. C'est quoi donc, le cadeau, Jeanne? Jeanne, c'est quoi le cadeau pour papa pour la fête des pères? Parce qu'il est emballé, je ne l'ai pas vu, moi. Tu sais ce que c'est, mon amour? Enlève le bibou. Oui. C'est quoi, chérie, le cadeau pour papa? Je sais pas. Ah, tu te rappelles plus? C'est un dessin? Oui. Voilà, ah, c'est un dessin. Bien sûr. Ah, elle me l'a dit, elle te l'a dit, toi. Bah, elle me l'a dit à moi, d'accord, parce que je suis tonton tranquillo. Ouais. Voilà. Tu diras à maman? Oui. Voilà. Chad vient de finir l'école aujourd'hui, c'est des grandes vacances. Et c'est alors, est-ce que votre cadeau à vous, c'est surprise? Est-ce qu'on peut en parler? Alors, mon cadeau n'est pas prêt. J'ai juste une photo. Et ça sera un cadeau pour la scène, pour la tournée de 2009. Donc, c'est une manchette en cuir avec une énorme tête de mort. Oh, wow. Tu vois, on est dans le thème de la soirée. Ouais, exactement, on reste dans la tête de mort. Ouais, et c'est, en fait, c'est... Moi, j'adore les anges, mais mon mari, il aime les têtes de mort. Donc, en même temps, c'est ange ou démon? Ouais, c'est ange ou démon. C'est belle comme un cœur, là, dis donc. Jade, le grand bonheur de Laetitia. Mais ce n'est pas le seul. Un autre enfant compte aussi pour elle. Christian vient de lui annoncer la bonne nouvelle. Il sera là demain soir pour l'anniversaire de Johnny. Bon, moi, je vais avoir le cœur qui bat parce que Christian a permis de réaliser le rêve d'un petit garçon qui s'appelle Raphaël. C'est un petit garçon malade. Et Raphaël, c'est un bon petit soldat. C'est un petit garçon dont on s'occupe depuis 7 ans maintenant, qui est fan de Johnny et qui a un cancer. Il sera là demain pour l'anniversaire de Johnny. Et ça, c'est... Voilà. Ça va être une surprise. Je sais que Johnny n'est pas au courant. Et ça, Johnny, ouais, ça va être magnifique. Alors voilà, il y a des stars, il y a des invités et tout. Mais moi, c'est le plus important, c'est le petit Raphaël qui a 11 ans. Raphaël Carpentier, au milieu de sa famille dans sa maison d'Annecy. Une enfant simple, une maman femme de ménage, mais depuis sa naissance, Raphaël souffre d'un cancer de la peau. Always. Et l'une de ses raisons de vivre, connaître Johnny Hallyday. Un vœu exaucé il y a 7 ans, grâce à l'association Rêve d'Enfant. Depuis, il fait presque partie de la famille de la star. Non, le petit en limousine aussi, mais c'est bien génial. Sûr. Oh non, mais c'est incroyable. T'imagines, il n'a jamais voyagé, il débarque comme ça, Los Angeles, la Cité des Anges. Et justement, Raphaël arrive dans la Cité des Anges avec sa maman. Pour le déposer à l'hôtel, cette limousine réservée par Christian. La première fois qu'il pose le pied sur le sol américain. Le top départ d'un week-end à Los Angeles pour l'anniversaire de Johnny Hallyday. Oh, écran plat. C'est super beau. Ouais. C'est inimaginable de vivre un truc pareil. Si on nous avait dit ça il y a 4 ans, quand il était malade, je lui disais, tu imagines si un jour on va chez Johnny et tout. Il me disait, arrête maman, tu me fais du mal, il me disait. Puis en fait, tout ce que je lui racontais comme ânerie pour le motiver à l'hôpital, tout arrive. Ouais. Comme quoi, hein. C'est bien de rêver. En plus, ça aide à guérir, donc c'est vraiment top. Hein. Alors Raphaël, qu'est-ce que tu aimes chez Johnny Hallyday? Ben, tout. C'est-à-dire? Ben, sa gentillesse, sa musique... Bon, alors demain, tu vas voir Jadou à l'anniversaire. Pour Raphaël et sa maman, Johnny est devenu un ami de tous les instants. Ils nous invitent à toutes les fêtes maintenant, donc ils savent que... Enfin, ils savent, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont le moteur de Raphaël. Et je ne pense pas qu'ils aient conscience de l'impact que cette rencontre a eu sur Raphaël. Ça lui a vraiment sauvé la vie. Et on leur dit à chaque fois, mais vous vous rendez pas compte. Ils disent, oh, mais c'est rien, mais pour nous, c'est massif. Ils nous ont rendu notre enfant, donc... À Los Angeles, c'est le grand jour. L'anniversaire surprise de Johnny Hallyday, c'est pour ce soir. Et voici le cadeau déniché par Christian Audigier pour son ami Johnny. Un modèle unique. Tu as vu ça, Ira? C'est rare, quoi. Il n'y en a pas des montres comme ça. Et moi, je sais qu'il va vachement aimer. C'est le logo spécial Johnny Hallyday. avec la même typo à l'arrière. 43, oui. En plus, ça fait chiffre de compétition. S'il se doute que c'est une moto, peut-être, parce que l'an dernier, j'en ai offert une. Non, il va dire, il va pas me offrir une autre moto. Mais je sais qu'il adore ça. Il en fait la collecte. Quoi. Il a toujours eu des garages pleins de motos. Et celle-là, c'est même une moto qui peut se servir au Stade de France. Une autre commande spéciale, le gâteau d'anniversaire. C'est un gâteau au chocolat, ça s'appelle le velours rouge. On a mis des pirates rock'n'roll, c'est plein de crème et de fruits rouges. 65 printemps et presque autant d'années de carrière au Zénith. Pour tous, Johnny est un phénomène. Robin est le guitariste de la star depuis 15 ans et il n'en revient toujours pas. C'est son anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de sa carrière ? C'est hallucinant. Ça fait 15 ans que je le suis. Et ça ne s'arrête jamais. Je pense qu'il va mourir un jour sur scène. Il me l'a dit d'ailleurs. Je vais mourir sur scène. Au même moment. Ah, Walt Disney. Sur Hollywood Boulevard, Raphaël, l'invité spécial de Johnny Hallyday, et sa maman. Ah, les Simpsons ! Là ! Et tous ces noms de stars américaines sur les trottoirs, c'est Hollywood. Ah non, vraiment, là, c'est un grand rêve. C'est génial. Rêve glory person. Très bien. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Un après-midi avec des héros de fiction. C'est votre mon ami, Natalia. Avant de retrouver ce soir Johnny en chair et en os. Ben là, il est super content, même s'il est un peu fatigué par le décalage horaire. Mais c'est vrai que pour l'instant, il me dit on n'arrive pas à réaliser qu'on est aux États-Unis. C'est une grosse déconnexion par rapport à son quotidien. Bonjour, Londres. On va rentrer à la maison, ça va être. On va regarder les photos et puis il va expliquer tout ça à son père et à son frère. Donc c'est sûr, c'est tout gravé en mémoire. Il n'y a pas de problème. Arr. Chez Christian Audigier, le décor est planté. Il faut maintenant l'animer. Je suis Lindine, la sirène. Je nagerai toute la nuit dans la piscine pour votre plaisir. La sirène imaginée par Christian, elle passera la soirée dans la piscine, une reine de l'apnée. Je peux retenir ma respiration pendant 4 minutes et demie. Il va être fou de joie. Moi, je pense qu'il s'attend à un truc avec 50 personnes, bon dîner, et on va gratter la guitare, un plug, là. Il croit qu'il n'y a pas le son et tout ça, quoi. À la tombée de la nuit, ce décor, il va être... Célébrité, musicien, Johnny ne s'y attend pas. Mais ce soir, il va vivre un grand moment. À Los Angeles, dans moins de 2 heures. Palm Beach, près de Miami. Dans la villa de la riche héritière, Jasmine Horowitz. Eric ? Et surprise. Eric ? La veuve n'est plus toute seule. Si, je continue avec mes tâches. Parce qu'on tu fais le niveau d'attente. Mais ça, c'est indiscret parce qu'on voit qu'il a ses vêtements dans mon armoire. Que c'est mélangé, qu'il y a mes vêtements à moi et les vêtements à lui. Alors maintenant, ça devient très indiscret. Un petit peu. Parce que normalement, il ne garde. Maintenant, il garde quel costume ici, parce que c'est plus pratique. Eric était son plus fidèle prétendant. Et en quelques semaines, il a évincé la concurrence. Il n'est pas riche, mais c'est lui qui joue aujourd'hui les maîtres de maison. L'idylle semble se transformer en véritable histoire de cœur. Beaucoup plus important que juste un accompagnateur quelconque, il n'y a pas de doute, c'est beaucoup plus que ça. Ça a évolué, c'est comme on dit que c'est toujours la vie, c'est une œuvre en évolution. Alors ça a voli, et le beau, c'est beaucoup plus important. Il est, c'est quelqu'un qui, à qui je tiens beaucoup, qui me tient à cœur. Voilà. Je compte sur son charme, sur son savoir-faire pour charmer mes amis, évidemment. Et justement, parmi ses amis, le célèbre jet-setter Massimo Gardia. La piscine, j'adore parce qu'elle est chauffée, l'eau est chaude. Jasmine l'a invité à passer quelques jours dans sa somptueuse propriété. J'ai préféré, naturellement, si cette maison était sous la plage. J'aime beaucoup me baigner dans la mer plutôt que dans les piscines. D'autre part, sinon, je ne vais pas chez les gens. Je me renseigne avant. Je vais d'abord voir comment est la chambre d'invité, s'il y a des domestiques, sinon je ne vais pas. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas souffrir. Je veux dire, je ne vais pas aller dans des maisons quand je peux souffrir. Toujours aussi mauvaise langue. En prime, il vient d'apprendre la nouvelle, la liaison entre Jasmine et Eric. Je ne crois pas que Jasmine va se marier avec lui, va l'épouser, ça, je ne crois pas. Parce que j'ai la sensation que peut-être lui n'a pas une personnalité aussi forte pour elle. Elle a besoin plutôt, elle cherche plutôt un homme qui la protège beaucoup, tout ça. Mais il n'est pas assez riche. Non, ça non. Ce matin, cruel dilemme pour Jasmine. La rose ou la verte. Dans quelques jours, c'est le mariage de la milliardaire Ivana Trump. Alors, je pensais de mettre la robe corail. Après, j'hésite un peu entre la robe vert clair, mais en fond, je ne suis pas tellement convaincue. Alors, il se peut que les robes que je me suis fait livrer cet après-midi, et il se peut que je trouve quelque chose dont je peux tomber amoureuse. Alors, on va voir. Ça, non. On n'aura pas une occasion pareille pendant très très longtemps. Alors, autant en faire le mieux. Elle hésite. Et pour l'aider à trancher, aujourd'hui, il y a enfin un homme. C'est Eric. Yoa, qu'est-ce que tu penses de cette robe ? Ouh là là, mais c'est chic. Non, mais je ne vais pas me décider. Parce qu'il ne faut pas mettre les jaunes pâles, les roses pâles. J'aime la couleur, mais c'est par avis. Alors, ça fait très vieux. Ça fait vieux jeu, ce que vieux je pense. Jeu, oui. Voilà, encore une. Ça, c'est super. Ça, tu devrais mettre. Ah, ça, ça te plaît. Ah, c'est drôle. De toutes les robes que j'ai mises, c'est celle qui te plaît le plus. Oui, les couleurs. Tu préfères même celle-ci que la verte. Pour moi, oui. Mais j'aimerais voir la verte de nouveau, la verte. Quand même. Alors, on va essayer la verte. Mais ça, la couleur ça, ça pastel, te plaît. Les couleurs de Palm Beach sont pastel. Ça, c'est très pastel. Ça, c'est super. Celui-là. Tu vas mettre celui-là. Tu vas voir. Au fond, le mieux, c'est parfois ne pas demander l'avis d'un homme. Hein? On met une robe, on l'aime, on la choisit, on met, et puis il n'ose rien dire. Hein? Il ne va pas dire maintenant, tu vas l'enlever. Elle a tout. Elle est charmante, elle est mignonne, elle est chaleureuse, elle est généreuse. Et bien, alors j'espère d'être avec elle beaucoup de temps. Pour Eric, nouveau point de gagné. Jasmine l'a choisi pour l'accompagner au mariage d'Ivana Trump. Sera-t-il à la hauteur ? De l'autre côté de la planète, aéroport d'Istanbul, en Turquie. Murat Atik, le roi des nuits parisiennes. Avant son départ pour le Festival de Cannes, un voyage inattendu, presque bouleversant. Le petit Turc qui a réussi revient au pays pour quelques jours. Car c'est ici que vit encore sa famille. Une sorte de retour de l'enfant prodige. On m'a arraché, moi, d'ici. J'étais un gamin, j'avais rien demandé à personne. À 5 ans, on m'a fait monter sur un vol d'Air France. Tout le monde parlait français. L'hôtesse est venue me voir, elle a dû me dire si je voulais un verre d'eau ou un coca ou une connerie. J'ai pas compris, je me suis mis à chialer. Et puis c'est comme ça que j'ai débarqué en France, donc par une déchirure déjà. Et après, on a une espèce de revanche à prendre, du retard à rattraper. Donc on se bat, on veut s'en sortir. Celui qui s'en est sorti a grandi ici, dans ces quartiers de la banlieue d'Istanbul. Ouais, là, je reconnais. Là, ouais. Ah ouais, les petits commerces et tout, oui, c'est exactement les mêmes. Elle me paraît assez grande, cette école, avant, alors qu'elle est toute petite. Quand on est petit, ça me paraît super grand. Et ses souvenirs d'enfance, ses impressions passées, qui refont surface. Je venais avec mon grand-oncle ici à acheter les fruits et légumes. Voici le quartier où il a été élevé jusqu'à 3 ans par ses parents, avant que sa mère n'abandonne le foyer familial. Aujourd'hui, ses cousins y vivent toujours. C'est ma petite cousine. Nasılsın güzelim? İyiyim. İyi misin? Ağla mı canım ha, söz. 10 ans qu'il n'avait pas revu sa famille. Ağlamak yok, ağlamak yok. Ne yapıyorsun? Je les ai pas connus les deux là, ils sont nés après. Ici, malgré son exil en France, il reste à jamais le petit Mourat. On le couvre même de cadeaux en signe de bienvenue. Moi, je prends une claque à chaque fois que je viens ici. Je le ressens encore, l'arrachement. Ah, ici, c'est à chaque fois que j'y reviens, je le ressens. Je vais me sauver de la France et puis venir ici en courant. Je vais mettre ça la nuit. C'est aussi l'occasion pour les plus jeunes cousins de parler du passé et de découvrir le métier de celui qui a réussi. Tu te souviens de cette image? C'était où? J'en sais rien. C'est le meilleur club. Numéro 1. Le meilleur. Le meilleur. Au milieu des siens, le jeune Turc, roi des nuits parisiennes, se laisse aller à la confidence. J'ai jamais vraiment aimé la nuit et je l'aime pas vraiment. Le business de la nuit, je l'aime, mais la nuit, je l'aime pas. C'est parce que je voulais réussir. Peut-être que c'est dû au déchirement que j'ai eu pour compenser quelque chose, pour me prouver à moi-même, pour prouver aux autres, je ne sais rien. Quand on se bat pour réussir, c'est aussi pour s'affirmer, pour être quelqu'un, pour exister, pour avoir un repère qu'on n'a pas eu. C'est aussi une forme de cachette, hein, parce qu'on se crée un personnage. C'est aussi une fuite. C'est pas forcément un succès, la réussite. Rattrapé par son passé, pour la première fois, le patron ambitieux est gagné par l'émotion. Oh les gamins, c'est de pas les avoir vu grandir, ça me fait chier. J'ai l'impression d'avoir raté un peu. Ouais, c'est comme mes propres enfants quoi. Et puis eux ils sont heureux, moi je les adore, ils sont heureux, ils sont simples, ils sont dans leur monde, ils sont. C'est plus moi qui ai l'impression d'avoir raté un moment dans ma vie, c'est tout. Mais aujourd'hui, l'enfant des quartiers pauvres peut se balader sans complexe le long des rives les plus huppées du Bosphore. Les quartiers les plus chers du pays. Là, il y a de l'argent, là. Là, il n'y a que des milliardaires. Ah, ça rigole pas, on est chez les riches. Hein. C'est magnifique, encore. À présent, lui aussi est riche. De quoi envisager d'investir dans l'une de ces villas. Rendez-vous avec cet agent immobilier pour visiter l'un de ces palais d'Istanbul. Ah, le jardin est magnifique. Ouais. C'est top, hein. Oh là là. Quand tu rentres, ça fait gréco-romain un peu. Ouais, hein, ça, tu sens Byzance, hein. C'est magnifique. Ah, c'est une passion. C'est une passion, voilà. Tu peux pas juste venir en week-end fait, comme ouais, ça, ouais, ça doit être assez difficile. Tu dois avoir tout le temps des gens sur place. Qui sont ça te plaît, là. Quand on est petit, on n'imagine pas qu'on va vivre dans des maisons comme ça. Les rêves viennent avec les moyens. Donc on rêve d'avoir une maison comme ça parce qu'on sait que c'est à sa portée. Oh, le tapis. Une telle villa pour un retour au pays. Moi, ça m'attire énormément. C'est un truc qui m'attire. C'est un challenge dans ma vie d'essayer d'en avoir une. J'adorerais. Imagine que tu te réveilles, tu te prends le petit déjeuner ici, avec le boss. Ah bah là, faut écrire jardin, des livres. Faut écrire, faut peindre. Hein, hein, dans des maisons comme ça. Faut pas se fider dans le business. Hein. Mais pour l'instant, bien d'autres challenges pour Murat. Un petit peu, pour faire boire à ma femme et à ma fille. Dès la semaine prochaine, finit les rives du Bosphore, un nouveau spectacle à présenter au Festival de Cannes. Il espère bien y faire sensation. Palm Beach. Et ce matin, petit déjeuner animé chez la riche veuve, Jasmine Horowitz. Avec ses amis, un seul sujet de conversation, ses histoires de cœur et son flirt avec Eric. Vous cherchez quel type d'homme, vous, Jasmine ? Un homme qui a beaucoup de charme, un homme qui me plaise, un homme qui me dit qu'il m'aime, qui tombe amoureux de moi. Il a trouvé. Quand est-ce qu'il dit que je l'ai trouvé? Bon, un homme qui... Est-ce que c'est vrai, Jasmine, que vous l'avez trouvé? Peut-être. Elle parle d'Eric, évidemment. Et vous, Massimo, est-ce que vous pensez que Jasmine pourrait tomber amoureuse d'Eric? Moi, j'espère pas. Non, mais pas sûr, mais... Pourquoi? Parce que je la perds pour toujours. Elle va partir avec lui, faire les tours du monde. C'est les seuls, ils viennent chez nous. Mais je vais la perdre, je ne vais pas la perdre. Mais je préfère qu'il ne soit pas très, très amoureux. Comme ça, soft. Une chose légère. Il a laissé soit avec mes amis. Et lui, c'est vrai, il a laissé avec moi. Bien sûr, je le connais. Il a laissé. Ça, c'est le mot juste à dire. C'est à laisser. Et justement, Eric. Celui dont on parle. On a fait des potins. On va parler très mal de toi. Oui, exactement. On a dit quelque chose qui n'est pas là. C'est bien. Espérons qu'il n'entend rien. Je vous laisse à votre intimité, mon cher. Oh là là. Ouh. Mais fini les potins. Plus le temps. Aujourd'hui, c'est le mariage de la milliardaire Ivana Trump. Ah, je sors les bijoux que je vais mettre ce soir parce que c'est très important. Si on ne va pas mettre des bijoux importants pour une soirée de cette importance, alors on ne va pas les mettre, hein, c'est plus la peine. Hein. Alors maintenant, je peux commencer à m'habiller en vitesse parce qu'il y a très peu de temps qui reste. Hein. On est pressé un peu. Tu vois, pour moi, c'est pas si difficile. J'ai deux pantalons à choisir. C'est très simple. C'est bien ici, non? Pour l'événement, Jasmine veut être la plus belle. Eric, chérie. Des semaines pour choisir sa robe sur mesure, mais petit souci. Tu n'aimes pas ça? Non, pas du tout. Tu n'aimes pas? Non. Mais comment est-ce qu'il veut mettre drôle. Ça? À la piscine, comme ça? Mais c'est pas la question de la piscine. Mais c'est pas pastel, c'est ça. Mais ça. Pastel, bon, c'est pas, mais... bon, c'est pas pastel. Mais chérie, mais ça... c'est beige doré. C'est pas beige, oui, c'est beige, mais beige. Je n'aime pas ça. Bon, alors, dehors tout le monde, c'est une seconde, je mets une autre. Hein? Bon. Alors, je mets la suivante. Oui. Tu m'entends, chérie? Oui. Je mets... Il va un peu fort, il va aussi fort que mon mari. Quand il n'aime pas quelque chose, il n'y a pas moyen de le mettre. Hein? Ça me fait penser. Je me réjouissais déjà un moment, maintenant j'étais seule, je pouvais mettre tout ce que je voulais. Ce n'est pas le cas. Hein? Parce que ce n'est pas qu'il m'a donné le choix. Hein? Ça, c'était catégorique. Hein? Ça. Voilà, alors. Eric, maintenant, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est mieux. C'est bien, oui, c'est très bien. Ça, alors si tu allais dire que ça ne te plaît pas, ce serait la fin du monde. Touche finale à sa somptueuse toilette, sa plus belle parure. Voilà. Elle ne serait pas elle si elle n'avait pas, pour être direct, beaucoup d'argent. Mais c'est pas seulement ça, elle a du style avec ça. C'est pas nouveau riche, tu comprends? Elle était raffinée, mais j'aime ça. Le mariage peut-être un jour? Pour le moment, j'aimerais le marier, mais on sait pas encore. J'aimerais vraiment passer 3-4 mois avec elle en Europe pour voir. Mais moi, j'ai pas de doute. Parce que moi, je crois que je suis très bien pour elle. Et surtout, elle est très bien pour moi. Allez, on y va. Vous avez tout ramassé, vous avez. Et c'est parti. Alors, Jasmine, Eric. Maximo. Mais aussi Massimo Gardia, un grand ami d'Ivana Trump. Voilà. Ok, la procession, ça commence. Ce mariage, voilà. Un rendez-vous mondain à ne pas rater. On est quand même excité parce que c'est très spécial. On va assister à un grand événement. C'est excitant, voilà. Si Eric et Jasmine sont invités au mariage d'Ivana Trump, d'autres aimeraient bien avoir aussi un carton d'invitation. S'il vous plaît, vous bloquez la circulation, là. Okay, d'accord, sorry. Pardon. Un mariage sous haute protection. Pas question d'approcher des lieux. Pourtant, à quelques kilomètres de là, lui n'a pas de carton. Mais il compte bien ne pas rater l'événement. José Paparazzi, le seul à tenter sa chance pour voler quelques photos. On va trouver un moyen, un bon angle pour prendre des photos. Mais comment ? Oh, par les airs, la mer ou la terre. Aujourd'hui, on va essayer par hélicoptère. Je pense que c'est une bonne idée. José est une tête brûlée. Très peu d'informations sur la cérémonie, mais pour ses clichés interdits, il va tenter le tout pour le tout. Mon informateur m'a dit qu'elle porterait une robe de mariée rose et sa fille une robe jaune. Seul moyen de photographier, survoler la cérémonie. Pour ça, il n'a pas hésité, ce sera l'hélicoptère. Mais va-t-il pouvoir atteindre sa cible ? Ivana Trump n'a-t-elle pas réquisitionné des hélicoptères pour chasser les intrus ? Des villas de stars, mais celle qui l'intéresse, c'est celle-ci, Mar-a-Lago. Wow, c'est une vue mortelle. Le somptueux décor choisi par Ivana Trump pour son mariage. Et ils sont tous là, 500 invités triés sur le volet. On doit quitter cet espace aérien. Il va être fermé par la tour de contrôle de l'aéroport. Il faut qu'on dégage, on dérange le mariage. On est grillé, mais on s'en fout. On a les photos, on a été bon, on rentre. José a gagné son pari, il a ses clichés. 150 000 dollars de photos qui seront diffusées dans le monde entier. À Los Angeles. Dans moins de deux heures, Johnny Hallyday va découvrir la surprise de son ami Christian. Je mets là, je puis là, ça passe là. Ah, il y a du monde, dites-moi. Et on commence à arriver pour l'anniversaire surprise de Johnny. Ce soir, une présence touchera particulièrement la star, celle de Raphaël, son protégé, accompagné de sa maman. Une cinquantaine d'invités, venus des États-Unis, mais aussi d'Europe. La soirée s'annonce magique. Ambiance Hollywood, charme et exotisme. Le décor Pirates des Caraïbes fait son effet. Et le jeune Raphaël est aux anges. Johnny Hallyday. Hello. Ah, enfin. Hey Raphaël, comment tu vas ? Accueil chaleureux pour Raphaël et sa maman. Ça va ? Presque familial. Ça va bien ? Vous n'êtes pas trop fatigué avec le voyage ? Tout va bien ? Non, c'est bon. Ça, c'est Dylan, mon fils. Raphaël, l'invité personnel de Johnny. Bonjour. Bonjour. Tu sais que Johnny, tu le dis à personne, mais il va chanter. Ah bah ouais. Vous attendez à ça, Raphaël ? Non. Mais avant les surprises, tous attendent l'arrivée de Johnny. Quelques célébrités comme Emmanuel Philibert de Savoie approchent de la star. Un ami, quelqu'un que j'aime énormément, que je connais depuis longtemps. Vous lui souhaitez un avenir en tant que... Je lui souhaite du repos maintenant. La carrière, il l'a faite, qu'il se repose. Et voici l'un des acteurs clés de la soirée, Dave Stewart, une star des années 80, le célèbre guitariste du groupe Rhythmics, un admirateur de Johnny. Johnny Hallyday, well, I remember, you know, for about 30 years or 35 years, hearing about Johnny Hallyday, and the first time I saw him live, I was like, wow. And the funny thing is, he's somebody who seems to sort of get better. So his performances seem to get better and better, like a good wine. Dans quelques minutes, Johnny découvrira la surprise organisée par Christian. Cannes sur la croisette. le coup d'envoi du 61e Festival du film. Le rendez-vous incontournable des Beautiful People venus participer à la fête du cinéma. Une vitrine internationale pour Murat Atik. Le roi du striptease vient d'arriver pour présenter son nouveau spectacle. Derniers instants de détente dans la villa qu'il a louée pour toute la famille. Plus question pour lui de se séparer de Johanna, sa compagne, et de sa petite fille Romane qui vient de naître. Voilà, la princesse. Waouh ! Un poupou. Comme c'est chou. Elle est à Cannes, c'est son premier festival. Hein. Dans 20 ans, elle montera les marches. Hein. Hello, how are you? Mais ils ne sont pas tout seuls. The house is nice. Une quinzaine de stripteaseuses sélectionnées pour le spectacle exceptionnel qu'il donnera ce soir devant le Toucan. So we'll have a nice time, I think so. Hello. Oh, excuse-nous, hein. On est arrivé un peu tôt. Bonjour. How are you? You okay? Yes. The house is nice. Ouais, j'ai l'impression que tu t'emmerdes avec tes cheveux. Hein. Je connais tes points faibles, hein. C'est l'heure du briefing. Ce soir, tout doit être parfait. Si le show est réussi, énorme publicité pour Murat. Nous allons à un cocktail ce soir. Alors habillez-vous sexy et prenez toutes vos affaires. Pensez surtout à vos chaussures et n'oubliez rien. Parce qu'on sera loin et on ne pourra pas repasser par ici. Il y a toutes des règles élémentaires du striptease. On ne donne pas son numéro au client, on ne part pas avec le client, on ne touche pas le client, on danse à proximité du client, on ne la harcèle pas, on est là à faire le métier de danseuse avant tout et pas un autre métier. 20h. C'est parti pour un véritable marathon. Cannes se prépare à vivre une folle nuit. Ce soir, Murat Atik et ses 12 danseuses donnent leur show dans la boîte de nuit la plus tendance de la Croisette. En coulisses, changement de tenue. Ambiance cuir, barésille et corset. Pour l'instant, Murat Atik semble satisfait de son choix. Tu es belle ? Allons-y, let's go. 22h, l'heure pour les stripteaseuses d'entrer en scène. Et pour Murat, le moment de vérité ce soir devant 1000 festivaliers. Son opération publicitaire va-t-elle fonctionner? C'est important de montrer que notre marque existe pour un maximum de visibilité au niveau international. Et publicité garantie si une star apparaît durant la soirée. Discuter 10 minutes avec Sean Penn ou Mike Tyson à Cannes, ça peut arriver tous les soirs. Donc ces gens-là sont des leaders d'opinion. Il y a beaucoup de leaders d'opinion du métier de la com, de l'événementiel, du cinéma ici. Donc c'est une marque qui doit être vue. Donc là, c'est une page de pub pour nous. Ce soir, les festivaliers sont sous le charme. Et on annonce l'arrivée d'un visiteur prestigieux. Il va assurer le total succès de la soirée. Sean Penn, président du Festival de Cannes cette année. Cette présence, un retentissement médiatique garanti. Et en prime, une poignée de main furtive pour Murat Atik. Il est tout petit. Il est presque aussi petit que Murat. Ah ouais, il est beau gosse. Hein. Ouais, je suis content. Deuxième jour, avoir Sean Penn. C'est énorme. J'ai plus de voix. Je suis ému. Quand on a le président du jury, festival. Ah oui, c'est 10 sur 10, quoi. 10 sur 10, qu'est-ce qu'on peut espérer avoir mieux que Sean Penn. Ce soir, pour Murat Atik, Paris réussi. Une étape de plus franchie sur le long chemin du succès. Paris. Un palace dans le centre de la capitale. Chérie, moi je vais Je vais aller en bas. Oui. Et je vais faire des petites courses. Je reviens. Des petites courses. Bon. Oui, non, je reviens comme ça en 5 minutes. En 5 minutes. OK, oui, en oui. 5 minutes. Très bien. Jasmine et son compagnon Eric en pleine escapade amoureuse. Quelques semaines de vacances en Europe. Eric compte bien en profiter pour séduire définitivement sa riche héritière. Alors, on a une petite surprise aujourd'hui pour Jasmine. On va aller à la Bois de Boulogne et on va faire un petit pique-nique. Alors, on prend un taxi. Mais pour Eric, ce n'est pas simple. Il n'est ni riche, ni puissant. Alors, comment combler Jasmine qui, elle, possède tout ? Les filles aiment les surprises, non ? Une petite surprise, comme ça, elles ne savent pas exactement ce qui va arriver. Elle croit qu'on va au musée. Ça va être génial. Elle va aimer ça. Elle va aimer, ça lui donne du plaisir. Elle va toujours dans les grands restaurants et les grands hôtels. Alors, on fait quelque chose de simple. C'est simple. Un pique-nique pour Jasmine. Elle ne s'y attend sans doute pas. Je le sens de picotement, de curiosité, voilà. Parce que je suis déjà de nature curieuse, en plus, hein, parce que je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Hein, ce sera une découverte. C'est gentil de sa part, c'est très charmant. Ce sont des framboises fraîches ? Bon, je prends deux comme ça. Un marché de la capitale. Oh oui, j'adore les framboises. Ça, c'est des mûres, c'est pas des framboises. C'est mûres, voilà. Bon, je prends un de ça. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. Ah, peut-être quelques cerises, voilà. Oh, elle va adorer. Oh, j'adore Paris. Ah, les fromages sont ici. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, le chèvre. Chèvre, en fait. Elle adore le chèvre. On va prendre le chèvre. Il a la fraîcheur de la toute première jeunesse. Un peu, ce côté un peu pueril, un peu. Un pas mûr, comme s'il avait 20 ans de moins de ce qu'il a, comme s'il était un gamin. Ça, c'est son côté fort. Une heure plus tard. C'est fantastique, oh j'adore ça. C'est bien, tiens. Ah, c'est une beauté. Ça fait oh 20 ans. Oh, j'adore ça. Et pour l'instant, les petites attentions, ça marche. À fond, je n'aime que les fleurs blanches. Oh là là, très bien. J'adore. Alors vraiment, je suis aux anges. Oui, ça c'est fabuleux. Merci. Quel temps magnifique, regarde. C'est bon. À Paris, le temps pareil, c'est rare. Direction le Bois de Boulogne. L'idée du pique-nique, une vraie surprise pour Jasmine. Il y a longtemps que tu as fait un pique-nique ? Mon Dieu, moi, ça, je suis même embarrassée, peut-être que je n'ai jamais fait. Tu n'as jamais fait ? Et si j'ai dit que je n'ai jamais fait ? Oh là là. Je suis en train de voir ce que j'aurais fait, peut-être quand j'avais 18 ans. Ah, 19, voilà. Alors, oui, mais c'était avec ma mère. Ah, c'était ma mère, je l'avais. Un dimanche, on est allé faire pique-nique. C'est pas la même chose, non, c'est pas... Le Bois de Boulogne, le comble de l'exotisme pour Jasmine. C'est mignon. C'est très spécial à Paris, un endroit comme ça. Ah, que ça, c'est très romantique, tu sais. C'est bien, chérie. Je sais pas comment tu as pensé à ça, comment tu as trouvé, mais bravo. Oh là là, il faut faire la queue. Moi qui ne fais jamais la queue, je déteste la queue. Reste maintenant à trouver le lieu idéal pour pique-niquer. Ah ah, chérie, tu rames, hein? Je recommande. Ah, tu restes aussi au milieu parce que moi, je suis toute légère. Le bateau va aller en dessous maintenant. On va. Oh non, non, chérie. Non. C'est pas. Voilà. Non, chérie, regarde. Oh là, voilà. Tu ne dois pas t'en faire, chérie. Tu ne dois pas t'en faire. Il y a le grand rameur qui est bien. Oh, grand rameur, écoute. Mais je pense que... Chérie, mets le chapeau. Moi, j'aime le chapeau. La première fois, je pense que j'étais plus habituée de yacht à... De yacht à Monaco. C'était j'étais mieux entraînée. Jasmine, vous avez peur ? Mais parce que c'est un peu précaire et j'ai pas tellement envie de finir dans l'eau. C'est pas exactement l'eau la plus cristalline du monde, parce que... Pour être honnête, C'est marrant, mais c'est pas confortable. C'est un peu dur. Et puis on bouge comme ça. Alors c'est mieux d'aller l'estomac vide. Mais on va faire pique-nique après. On est arrivé, chérie. Voilà. Bon. Super. Alors chérie, il faut sortir très doucement. Vas-y. Non, tu tiens bien le bateau. J'ai les talons hauts. Hein? Voilà, sors par ici. Voilà, et voilà. Voilà. Ça, c'est pas prévu les talons. Prêt. Voilà, attention, pas la rame. Ne tombe pas. La rame. Ne tombe pas. Voilà, comme ça, on sort un peu à quatre pattes. Voilà, on est sorti. Voilà. Voilà, allons-y, alors. Voilà. Fais attention, chérie, parce que sinon, on rentre plus. Tu vas ramer. Oh, que c'est beau. Ah, maintenant, on est bien. Sur terre ferme. Ah, c'est très bien. Les framboises et les fromages de chèvre. Et en plus, c'est très bien. Regarde ce que j'ai ici. Ton favori, le pain à 6 grains. Oh là là. Alors maintenant, on va essayer de les couper. C'est ce qui me parle. Il y a aussi. Alors, est-ce qu'il connaît bien vos goûts, Jessie? Oui, oui. Ah, ça, il se trompe pas. Hein? C'est vraiment bon. Il y a le fromage de chèvre en dedans. Hein? Il y a beaucoup de chèvre. On m'a offert des châteaux, des manoirs. On m'a offert des beaux bijoux. On m'a offert des yachts. Le premier homme très important dans ma vie. Il m'a offert un puits de pétrole. C'est très drôle de dire ça. Mais c'est comme ça. Alors c'est pour ça que j'ai perdu probablement. Maintenant, je retourne à tout. Je retourne à ce côté que je n'ai pas eu l'occasion de goûter. Il faut faire ce qu'on peut. Il faut faire quelque chose qui va faire impression sans être en compétition avec les autres. Je t'adore de beaucoup de façons. Je veux toujours être honnête avec toi. Il faut toujours croire que, au-dessus de tout, je t'aime. Et parfois, tu sais, c'est un peu comme la terre. Parfois, il y a des nuages. Parfois, il n'y a pas de nuages. Parfois, il pleut. Parfois, il ne pleut pas. Mais en dessous de ça, tous les jours, je t'aime. Et tous les jours, je veux être plus proche à toi. Et tous les jours, je veux te faire quelque chose un peu différent et d'explorer des différentes façons à comment je peux te montrer que je t'aime. C'est très beau ce que tu viens de dire. Éric sait y faire. Et il a du charme, hein? Hein, ça, c'est incontestable. Hein? Mais reste à confirmer. Car le couple s'envole demain pour la Sardaigne et là, pas question de pique-nique. C'est le fief des milliardaires. À Los Angeles, Christian Audigier va accueillir Johnny Hallyday pour l'anniversaire surprise qu'il lui a préparé. Découverte avec un brin de nervosité. Et pour lancer la soirée, Dave Stewart au mieux de sa forme. Johnny n'en revient pas. Son ami Christian a bien fait les choses. Vous n'attendez pas, hein? C'est vrai, parce que Laetitia m'a dit que vous n'aimiez pas les surprises. Ben, je me méfie des surprises, en général. Mais là, c'est agréablement surpris. Joyeux anniversaire, Johnny Hallyday. Une autre façon de lui souhaiter bon anniversaire, signé Dave Stewart. I'd like to say happy birthday to Johnny Hallyday. Johnny flew in from Switzerland to LA just to see Christine Audigier. I met him at Dan Ed Hardy. He said, hey, I'm gonna have a party. He said, hey, Dave, take a walk on the wild side. I said, hey, Dave, where's my girls? Walk on the wild side. Take a walk on the wild side. Que je suis très touché de votre accueil. Et je remercie Christian d'avoir fait cet anniversaire surprise, parce que j'étais au courant de rien. Mais ça me fait chaud au cœur. Et merci à vous tous d'être là. Une scène des musiciens, difficile de résister. Le premier cadeau de Johnny à ses 50 invités. Johnny, sur scène, entouré de ses proches, le bonheur. Was a fabulous rock, actually. You enjoyed it? That was one fabulous. Christian, vous yes. Attendiez à ce qu'il monte sur scène? Qui? Johnny. Ben, j'avais quand même poussé dans les talons, quand même. Hein. J'avais tout préparé pour, quoi. Donc, c'était trop tard. Alors, comment vous sentez qu'il est content, justement? Ben, le voir, ça y est, il est avec ses potes. C'est quand il n'a pas besoin d'être avec lui. Quand il est avec ses potes, il enjoy, il voit des gens. C'est son anniversaire, donc je veux le laisser respirer, tu vois, qu'il profite de tout le monde. Un invité ne veut rien rater de la soirée. Le jeune Raphaël, le protégé de Johnny. Tiens, regarde, il y a Johnny là. Voilà. Ouais. Ouais. T'as mangé? Ben, j'ai mangé là, le barbecue. T'as mangé le barbecue? Non, pas encore. Tu vas manger là? Ok. Mange, hein, t'as besoin de prendre des forces parce qu'avec le décalage horaire. Hein. Ça va, t'es pas trop fatigué là, ça va? T'étais fatigué hier soir. Ouais. T'as bien dormi? Bon, ça va. Ah ouais, il a bien dormi. Bon, tout va bien. Vous vous rendez compte, le plaisir que vous lui faites? Ben, c'est un peu notre... Bon, on est un peu sa deuxième famille. C'est mon grand pote. C'est mon petit frère. Hein? Alors, Raphaël, il rêve de vous, Johnny Hallyday. Quel est le rêve de Johnny Hallyday? Mon rêve, à moi? Écoutez, à mon âge, je peux le dire, c'est voir Marty grandir le plus longtemps possible. Et Jade n'est jamais très loin. J'aimerais être encore là quand elle a 30 ans. Il n'y a pas de problème entre là. Santé. Tu viens, Jade? Jade, d'où tu viens? On va faire une photo avec Raphaël. Raphaël, sur la photo de famille. Mon amour! Mon amour! C'est qui l'amour de maman? C'est Jadou! Et Raphaël! Je sais que Raphaël tient une grande place dans leur cœur, mais de voir tous ces gestes affectifs, c'est hyper important parce que Raphaël, il s'accroche tellement à eux que ça m'émeut parce qu'ils sont vraiment super avec lui. En coulisses pendant ce temps-là. Ouais, j'aimerais faire le cadeau de Johnny là maintenant, quand il a fini. Christian Audigier prépare le coup de la soirée. Je vais offrir le cadeau à Johnny très bientôt. L'arrivée de Sharon Stone. Johnny, lui, n'est pas au courant. En Sardaigne, la Costa Esmeralda. Le passage obligé des milliardaires pendant l'été. C'est dans ce paradis pour riches que le défunt mari de Jasmine Horowitz avait acheté cette villa. Et aujourd'hui, Eric, le premier homme à y passer des vacances avec Jasmine. Le couple vient d'arriver. Mesdames et messieurs, Jasmine. Oh là là, c'était bien. Très Dallas. Look, jet set pour l'un des endroits les plus privés du monde. La vie est splendide, hein? Ça fait rêver, voilà. Alors juste en face, cette maison blanche sur la colline, on peut s'amuser, prendre des jumelles, regarder ce qui se passe dans cette maison, parce que c'est la maison de Poutine. C'est bien là aussi, vous voyez, c'est comme une tour. La chambre à coucher qui est ronde. Petite princesse dans la tour. C'est mignon, hein? On le met dans la piscine? Tu vas pas me jeter la piscine avec mon chapeau, non? Ça serait une jolie tour. Oh, merde, femme. Non, c'était... Ah, oh, tu es déjà à table, mais c'est bien. Des vacances de prestige, un service 4 étoiles, une aubaine pour Eric qui n'est pas habitué à tant de luxe. Très bien, moi je n'ai jamais vu ce petit... Non, je n'ai pas eu l'occasion, mais parce tu, que... Tu devrais le mettre pour moi, de temps. C'est très sexy, hein. Oui, c'est pas tous les jours dimanche, aujourd'hui c'est dimanche, j'ai mis une tenue spéciale, t'es comme... Non, mais j'aime quand même le voir comme ça, parce que moi j'aime un peu le glamour, comme ça. Ben, c'est bien d'avoir un admirateur, comme ça, à porte de la main. Des vacances apparemment idylliques, une histoire d'amour naissante. Voilà, comme ça. Eric nage en plein bonheur. L'air est vraiment bien ici. Alors, comment ça se passe les vacances? Oh, superbe. La maison est divine, très bon service. Et voilà, Jasmine est là. On est bien ensemble. De mieux en mieux? Moi, je trouve, oui. Alors, vous avez un homme amoureux? Oui. Je monte, comme ça je vous ferai le chemin. Eric est amoureux, mais coup de théâtre. Pour nous livrer quelques confidences, Jasmine préfère s'isoler dans sa chambre. Ce matin, elle est perturbée. Ici, tout lui rappelle son défunt mari. Eric, il a raison, il dit, mais pourquoi on ne met pas des photos de nous deux? C'est moi, Eric. Ça veut dire que je ne suis pas prête. Ça fait seulement une année et demie qu'il n'est pas là, mon mari. Ça, c'est, il faut être dans la tête, il faut être prête. Et Eric, c'est un garçon adorable. Il est vraiment bien, il a de grandes qualités. Mais il est trop gentil, il est trop doux. Je ne sais pas comment le dire, mais ce n'est pas quelque chose de... Ah, voilà, ça, c'est quand on a cet éclat dans les yeux, ça brille. Voilà, ça, c'est... Moi, nous, on s'est mariés, on veut... Voilà, ça, c'est différent. Ça, c'est différent. C'est pas... Oh, oui, je dois le marier. Je dois l'épouser, c'est ça. Oh, c'est... Non. Fin des confidences. Qui c'est? Moi. Eric n'est jamais très loin. Bon, bien, bien, oui, dis-moi. Il faut aller. Il est 5h10, je... Oui. Alors, parce qu'il a commencé à pleuvoir. Oh, pardon, on a dû se réfugier ici. Non, mais il pleut pas maintenant. Je... Non, alors on y va. Avec Jasmine, c'est la vie dorée. Au programme de la journée, l'une des mondanités les plus courues de Porto Tiervo, la compétition hebdomadaire de polo. Ici, c'est son univers. Elle connaît tout le monde, mais pas Eric. Vous aimez le polo ? Oui, j'adore le polo. C'est quelque chose de social, le dimanche, à Palm Beach. Et alors, comment c'est justement la vie aussi avec Jasmine ? Il y a beaucoup de mondanité. Vous aimez ça aussi ? Mais oui, j'aime beaucoup. J'adore être avec elle, de toute façon. Pas mal, hein, comme compliment, non ? Jasmine sourit, mais le charme est rompu. Eric ne fait désormais plus partie de ses projets d'avenir. Elle rêve déjà d'un autre homme. Ce qui manque, c'est quand ce qui manque. Un homme parfait. Et c'est quoi un homme parfait ? À l'image de mon mari. Et voilà. Un homme fort. Charismatique, avec une forte personnalité, qui ait les choses en charge, qui ait chaque moment soit en charge, qui ait de l'imagination, de l'humour. Bonjour. Tu sais ce qu'on devrait faire ? Moi, je crois qu'on devrait partir bientôt. Je te dis pourquoi. Ah, parce qu'il y a tellement de voitures qui veulent partir en même temps. Parce que tu vois, c'est le 4e car. Ah oui. Et c'est en 7 minutes, tous ces gens vont quitter. Ah, oui, ok. Alors on part ? Eric ne le sait pas encore, mais c'est son dernier tour de valse avec Jasmine. C'est agréable, hein, comme ça. On pense à rien. Voilà. Pas hier, pas demain. Que maman présente. Quand il chante un peu en sourdine. Quand pour Jasmine, encore une semaine de vacances avec Eric. Puis ce sera retour à Miami avec l'espoir de trouver l'homme idéal. Celui avec qui elle partagera un jour sa vie. À Los Angeles. Le cadeau d'anniversaire de Christian à Johnny. Non, tu as réussi à l'avoir. Une moto. C'est l'assurance de lui faire plaisir. Johnny Hallyday. Ah oui, t'as vu, regarde, chérie. Voilà. Tu aimes Dylan ? Moi aussi. Chérie, salut. Elle vient. Laetitia. Voilà. Voilà. On en a vu des photos. Mettez la lumière, s'il vous plaît. C'est le style Hollywood rock'n'roll. T'as vu un autre truc, la scène ? Je trouve ça un peu too much, mais. Mais bon, en même temps, c'est Los Angeles. Elle fait bad boy, j'adore les bad boys. J'ai un bad boy tendre avec ma femme. Est-ce que tu es content, Johnny Hallyday ? Merci à toi, elle est belle. Dis donc, viens là, il faut que je t'embrasse. Ah, écoute, là, t'as été trop fort. Là. Ça va, ça va. J'étais une gonesse de Rennes. Oui, c'est moi aussi. Et l'émotion de Johnny est authentique. Ça, c'est un cadeau. Oui, mais ça, c'est un cadeau. Tout le monde est là. C'est toi, Eric, c'est vous le cadeau. On ne m'a jamais fait un anniversaire comme ça. C'est vrai ? Très bien. Et ce n'est pas fini. Dans quelques minutes, entrée en scène de Sharon Stone. En attendant, dîner et plaisir de retrouver ses amis. Parmi les proches, le comédien Yves Régnier, un autre admirateur. Sauf que bon, il a 65 ans, il les porte bien. J'étais vachement étonné, moi, de la dernière tournée qu'il a faite. Il devait avoir 130 dates. Le mec, il reste deux heures et demie en scène. Il faut la santé, hein. Qu'est-ce que tu dis ? Ah, je dis des choses sur ton mari, tu vas pas entendre. Ah, ouais. Le basketteur Dennis Rodman prend la pause avec Johnny. Comment vous faites pour rester toujours aussi jeune et bien? C'est quoi votre secret? Oh, c'est un entretien constant. Malgré ce qu'on touche, tout ce que l'on peut dire, je vis quand même assez sainement. Je fais pas mal de sport. J'ai une hygiène de vie assez saine. Ce qui fait que de temps en temps, ça c'est mon côté chez vous, de temps en temps, je pète un peu les plombs. Et alors bon, pendant quelques jours, je déconne complètement. Mais on peut pas rester 12 mois sur 12 comme ça, strict. En temps de temps, on pète un peu les plombs, ça dure pas longtemps, ça dure une semaine. Après, on rentre de nouveau dans le droit chemin. Mais on ne pourrait pas faire le métier qu'on fait si on n'avait pas une espèce de rigueur de vie assez saine, quoi, finalement. Johnny Hallyday. T'as l'air, Johnny ? On a une surprise, vous verrez ce qui va se passer. Happy birthday ! Sharon Stone est en train discrètement d'arriver pour un cadeau exceptionnel. Sharon is here, voilà. This is Sharon Stone, now live. Johnny, happy birthday. And a surprise, I believe Sharon gonna sing happy birthday. So, guys, so Sharon, please. It was a very sexy happy birthday. Sexy et inoubliable. Une découpe du gâteau très rock'n'roll, pas de couteau, le micro. Un anniversaire particulier. Le dernier avant sa tournée d'adieu en France. Écoutez, vraiment, ce que je souhaite pour l'année prochaine, c'est de pouvoir faire un spectacle pour ma tournée, mieux que les autres, surtout dans l'espoir de vraiment faire plaisir aux gens. Alors, je suis en train de gamberger pas mal de choses, mais mon souhait, mon désir, c'est vraiment de faire un spectacle hors norme, un spectacle comme je ne l'ai pas encore fait. Et ce soir, il veut en profiter jusqu'au bout de la nuit. Offrir à ses amis le meilleur de lui-même. C'est la musique que j'aime. Johnny est heureux, alors il chante. Juste pour le plaisir de ce qu'il aime. Lui, je regarde les souvenirs. Et vous savez ce qu'il vient de me dire? Tous les anniversaires, je voulais faire avec toi. Une soirée exceptionnelle pour son 65e anniversaire. Mais pour tous, ce soir, Johnny a 20 ans.